On sait assez serrer les coudes. Aujourd'hui, faut se tenir le pont. Vendetta. C'est drive, boy. Alors, on s'enregistre ce titre qui va sûrement mettre tout le rap français à l'amende. J'avais les tympans percés par les youths des montagnes d'Algérie. Quand il y avait mon petit garçon qui venait au monde. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il fait presque la taille d'un pont. J'en déduis que 1 plus 1 est égal à tout sauf à 2. Et voilà la force du nom. On peut donner la vie avec l'amour et ce qu'il y a dans nos sexes. Mais on peut la reprendre avec tout le seum qui se trouve entre le pouce et l'index. Ce que je dis, boy, c'est pas du slap. Mais on peut plonger dans la flamme et sortir les outils et rendre ton grand corps malade. C'est RN, ni l'Algérie à danger. Drive, bye. À la mort. C'est drive, boy, fils de.